redonne la vie, du temps, du sang de Christ au calvaire. Du sang versé pour toi, mon frère, pour garder son esprit. Jésus l'endit pour toi, mon frère, que toi l'endit pour lui. Jésus l'endit au calvaire, ma sœur, que toi l'endit pour lui. Jésus rendu pour toi, mon frère, pour faire la vie de Dieu. Une grâce pour toi, ma sœur, par Christ, pour garder son esprit. Jésus rendu pour toi, mon frère, que toi rendu. Jésus rendu au calvaire, ma sœur, que toi rendu pour lui. Jésus rendu pour toi, mon frère, que toi rendu pour lui. Jésus rendu au calvaire, ma sœur, que toi rendu. Jésus rendu pour toi, mon frère, pour faire la vie de Dieu. Une grâce pour toi, ma sœur, par Christ, pour garder son esprit. Jésus rendu pour toi, mon frère, que toi rendu. Jésus rendu au calvaire, ma sœur.